grave, mais ce qui est bien dans ce quoi. Grizzly, putain, il est là. Oh. Ça c'est le guitariste, tu vois. Ah, tu peux mettre de côté celui que tu vas écouter. Ouais. Les hommes avec Pélon, juste à côté. Ça c'est. Il y a un batteur, un vrai batteur. Ouais. Tu crois pas? Ouais, il y a des fois c'est des. Ouais, il y a un beat. Hein. Non, tu connais bien ton truc. Dommage. Oh putain, quand j'entends ça. Et ça, des mecs qui font ça n'importe quelle heure, n'importe quelle. Ouais, ouais, tout à fait. Putain. Faut le connaître aussi, quoi. Il doit y avoir trop de mecs. C'est qui là, les gars? Parce que si on veut faire un truc, là, ils disent. Il doit y avoir trop de mecs que, genre, ils se disent bah vas-y, attends. C'est des Américains, tout ça, quoi. Michael. C'est qui là-dessus? Tu dis le mec? Yes, please. Ouais, désolé. C'est un vieux funky, ça. Ouais. Yeah.